Ce soir, à partir de 18h30, aux rues de la Fac de Sciences, Prune organise une orgie. La soirée aphrodisiaque, avec des fautes d'orthographe sur le fly et plein de la musique qui fait se remuer de manière suggestive. Ainsi qu'un repas qui va vous mettre le diable au corps et quelques lectures coquines pour vous émoustiller. Alors c'est clair, ce soir, à la Lombarderie, ça va niquer grave. Cependant, certains et certaines d'entre vous passeront la soirée à garder le sac ou le hamster de leurs amis et rentreront seuls chez eux pour se finir à la main. Car certains et certaines d'entre vous ne jouissent pas d'une vie sexuelle épanouie. Si vous faites partie de cette catégorie, c'est à vous que Prune a pensé ce matin. Nous sommes heureux de vous offrir une rubrique de sexologie menée d'une main experte par le docteur Pierre-Yves Coat. Quand t'as un problème sexuel, te gâche la vie, ne te résigne pas à te finir avec les doigts, car y'a le docteur qui, le docteur quoi, le docteur Coat. Docteur Coat au micro. Bandé comme un arc, je suis sur le point de vous décocher une flèche en plein cœur. De retour une énième fois sur la bande FM pour régler tous vos petits problèmes d'ordre sexuel. Mais je ne suis pas là pour m'étendre sur ma personne. Cessons ici les préliminaires et prenons tout de suite une auditrice au téléphone. Allô? Allô, oui? C'est Docteur Coat? Parle sans crainte, charmante enfant. Le docteur Coat t'écoute. Quel est ton problème? Bien voilà, je suis nue dans ma baignoire qui peut contenir 70 litres. Elle est remplie à moitié et tout pendant que je me savonne lascivement au milieu des bulles de bain moussant, le robinet coule. Il laisse échapper avec une rare volupté 10 centilitres de solution aqueuse incolore et inodore. Toutes les 69 secondes. Pendant ce temps-là, un train provenant de Vladivostok se trouve maintenant à 3 quarts d'heure de chez moi et fonce tout droit à une lueur de 120 km/h vers ma... Château d'eau... Ma question est donc, combien de temps puis-je encore rester dans ma baignoire et combien de fois dois-je me savonner l'intérieur des cuisses pour entendre le robinet couler trois fois mon nom du capitaine avec une grosse veine bleue. Docteur Coat ? Docteur Coat ! J'aimerais aussi savoir à quelle distance se trouve le train. Docteur Coat ? Vous m'entendez ? Tu es... nu ? Oui ? Cette consultation téléphonique du Docteur Coat vous a été proposée avec la participation des mouchoirs en papier Kleenex.